glissant sur la vie, glissant sur le monde, glissons-nous dans la nuit, glissons-nous dans l'oubli, glissons-nous dans les plis. Mon amour, mon ami, les doigts enchevêtrés, glissons-nous dans le nid de la vie. Tu vois, ce soir la nuit est calme, je t'en prie, rejoins-moi, je t'en prie, rejoins-moi. Tu vois, ce soir la nuit est calme, je t'en prie, rejoins-moi, rejoins-moi, je t'en prie. Sur nos lacs gelés, glissons au pied des grands glaciers, glissons sur les vagues immobiles, qui sommes-nous pour nous croire plus vivants qu'inutiles. Mon amour, ton silence, les doigts enchevêtrés, glissons-nous dans le lit, dans le début de la vie. Tu vois, ce soir la nuit est calme, je t'en prie, rejoins-moi, je t'en prie, rejoins-moi. Tu vois, ce soir le monde est calme, je t'en prie, rejoins-moi, rejoins-moi, je t'en prie. Thank you.